Super Fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Super Fail. Un super fail sociologique cette semaine. Quiconque a entendu parler d'Émile Durkheim pense que Durkheim a percé le secret du suicide. Et s'il avait eu tort sur toute la ligne? Allô, SOS Détresse Amitié, bonjour. Je vous écoute. Allô, SOS Détresse? Allô? Allô? Je ne vous entends pas. Allô, SOS Détresse? Je suis au bout du rouleau, là. Qu'est-ce que je dois faire? Allô? Appuyez sur le bouton. Allô? Rappelez-moi d'une cabine qui fonctionne. Dites donc, Thérèse. Un seul appel depuis 18 heures pour un soir de Noël, c'est tout de même très calme. Oui, mais notez, d'un sens, tant mieux. Super fail. C'est ce qu'on appelle une forme de super fail. Mais c'est d'autres choses dont nous allons parler, même s'il est toujours question du suicide. Avec vous, Victor Stokowski, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur au laboratoire d'anthropologie sociale et vous enseignez à l'école des hautes études en sciences sociales. Et vous avez publié un ouvrage extrêmement important, La science sociale comme vision du monde, Émile Durkheim et le mirage du salut, aux éditions Gallimard. Dans ce livre, il y a un chapitre sur l'erreur, les erreurs qu'Émile Durkheim aurait consacrées au suicide. Mais avant de nous dire lesquelles, il faut essayer de nous résumer la théorie qu'Émile Durkheim a consacré au suicide. Émile Durkheim est l'un des fondateurs de la sociologie au XIXe siècle, la fin du XIXe siècle. Et l'ouvrage qui a établi sa notoriété, c'est Les Suicides, publié en 1897. Et à l'époque de Durkheim, beaucoup de gens, longtemps avant lui, avaient l'impression qu'une épidémie étrange s'est propagée en Europe, une épidémie de tristesse collective qui provoquait une croissance exponentielle du nombre de suicides. Et on peinait à expliquer pourquoi, dans cette Europe de plus en plus prospère, où la civilisation était florissante, pourquoi de plus en plus de gens aient décidé de se donner la mort. Mmh. C'est pour expliquer ces problèmes que Émile Durkheim s'est engagé dans un travail de longue haleine en collectant des informations statistiques pour proposer, et pour la première fois, une explication non plus psychologique, mais une explication sociologique. Et c'est ça, en fait, la véritable trouvaille de Durkheim. Il dit, finalement, il y a des régularités observables dans le taux de suicide. Et donc, le suicide n'est pas véritablement un problème de la psychologie, la science d'à côté, mais un problème qui concerne tout à fait la sociologie, Victor Stokowski. Voilà, parce que les individus ont peut-être l'impression de prendre une décision libre, individuelle, mais en même temps, on observe que les taux dans chaque société restent stables au fil des années. Les Italiens se suicident beaucoup moins que les Français et les Allemands beaucoup plus que les Français. Pourquoi ? Durkheim s'attaque à ces problèmes avec une idée fixe qui est représentative de l'ensemble de la vision qu'il s'est fait de la vie sociale et de l'histoire de l'Occident. Il estime qu'au XIXe siècle, la cohésion sociale s'amoindrit. La religion chrétienne et sa morale fournissait jusqu'à présent une base stable des convictions et qui permettait à la société de conserver et sa cohésion est en train de disparaître. Et il n'y a aucune autre nouvelle doctrine morale qui pourrait et remplacer le christianisme décadent. Or donc, cette théorie de Durkheim devient une théorie que tous les étudiants de sociologie, et pas que, ont eu à apprendre, et c'est une théorie qui, jusqu'à présent, ne suscitait pas de controverses véritables. Vous dites, Victor Stokowski, que cette théorie doit être largement relativisée. Pourquoi ? D'abord, lorsqu'on lit le suicide de Durkheim, on est frappé par le matériel statistique que Durkheim déploie, et on se dit qu'à une époque on n'avait pas d'ordinateur, eh bien, il a vraiment fait œuvre de science en utilisant des chiffres. Qu'en pensez-vous ? Bien évidemment, cet usage des chiffres est assez considérable chez Durkheim. Il n'est pas le premier à employer les statistiques pour essayer d'expliquer la croissance du taux de suicide, du taux, c'est-à-dire le nombre de suicides par million d'habitants. Mais il est le premier à synthétiser l'ensemble des données statistiques qui existaient à l'époque. Et le problème, c'est que il ne cherche dans ces données statistiques que les faits qui vont dans le sens de son hypothèse. Il essaie de confirmer son hypothèse. Donc, il prétend que on assiste à l'époque à une véritable épidémie de tristesse collective. Et il affirme, je le cite, « le suicide s'est partout accru ». Alors que lorsqu'on regarde les données statistiques disponibles à l'époque, on voit qu'il y avait des pays où les suicides, loin d'augmenter, baissaient. Par exemple au Danemark, en Norvège, en Angleterre. Et dans certains nombres d'autres pays, cette croissance était relativement minime, de l'ordre de 3%. Donc, cette augmentation générale du taux de suicide est loin d'être démontrée. Et on pourrait attribuer cette croissance à un artefact statistique. Les données statistiques sont de plus en plus précises et de plus en plus massivement collectées. Donc, l'impression qu'on avait qu'avant c'était mieux et pouvait tenir au fait qu'avant on n'enregistrait pas tous les suicides qui s'est produisé. Autrement dit, on a affaire à des biais statistiques et à partir de là, on peut peut-être remettre en cause la théorie de Durkheim. Mais alors, pourquoi Victor Stokowski? Parce qu'il était convaincu que la société occidentale était affectée par des maux multiples, dont les suicides étaient un exemple parmi d'autres. Et il essayait de trouver une cause commune de tous ces maux qui travaillaient les sociétés occidentales. La lutte des classes, prônée par le marxisme à l'époque, la compétition entre les prolétaires et les capitalistes, et l'effondrement de la religion traditionnelle, et le rejet de règles et de la morale. Et donc, tous ces maux devaient trouver, selon lui, une explication commune, et cette explication devait être sociologique. Elle était à tous les coups identique. C'est le délitement de la cohésion sociale. Ça veut dire qu'en fait, il a trouvé ce qu'il voulait trouver. Je pense qu'il avait un a priori et il croyait à sa théorie, à son explication. Et cette confiance excessive qu'il accordait à cette explication adoptée a priori par un acte de foi et l'empêchait de voir tous les faits qui allaient à l'encontre de cette explication. Donc un biais de confirmation assez traditionnel. Un biais de confirmation, qu'est-ce que ça veut dire? Un biais de confirmation, ça veut dire que lorsque nous avons une idée fixe, nous ne voyons dans la réalité que nous observons uniquement des confirmations de notre conviction et nous restons aveugles sur les faits qui pourraient être inconfortables, qui pourraient invalider notre conviction. Et ce biais qui a été étudié par les psychologues sociaux au XXe siècle a été déjà décrit au milieu du XIXe siècle par Claude Bernard, un physiologiste, médecin, et qui en 1865 disait que un écueil redoutable menace tous les chercheurs, une confiance excessive dans sa propre théorie. Mais alors, Victor Stokowski, est-ce que ça veut dire que la théorie de Durkheim, pour qui finalement on se suicide, ou bien par excès d'intégration, c'est ce qu'il appelle le suicide altruiste, ou bien par défaut d'intégration, c'est-à-dire par égoïsme, est-ce que ça veut dire qu'il a complètement tort sur les deux causes du suicide? Moi, j'ai pas essayé de déterminer s'il a raison ou tort dans l'absolu. J'ai essayé de comparer ses affirmations avec les données qu'il utilisait, auxquelles il s'est référé. Et j'ai observé qu'il y a un écart très important entre les faits et ses affirmations. Et lui insistait surtout sur les délitements du lien social, l'excès de l'intégration est propre à un suicide des militaires qui sacrifient leur vie. Voilà, ça lui semblait, un capitaine de navire qui coule avec son bateau. Voilà, ça lui semblait un fait marginal dans la société du XIXe siècle. C'est surtout les suicides égoïstes qui l'intéressaient. Et aussi la corrélation entre les taux de suicide et la confession religieuse. Et c'est en travaillant sur cette corrélation qui a établi quelque chose qui est considéré jusqu'à aujourd'hui comme la principale loi de la sociologie, peut-être l'unique loi que la sociologie a réussi à établir. Mais alors, Victor Stokowski, lorsque Durkheim établit une corrélation entre la religion et le taux de suicide, il a raison ou il a tort ? Je pense que c'est l'une de ses plus grandes erreurs. Il affirme que le taux de suicide est le plus élevé chez les protestants, très bas chez les juifs et intermédiaire chez les catholiques. Et il fournit une pléthore de données statistiques pour confirmer cette affirmation. J'ai retrouvé toutes les sources qu'il a utilisées. Il n'a jamais cité les tableaux statistiques tels qu'il les trouvait dans la littérature. Il en prenait certains chiffres et il les compilait pour proposer ses propres tableaux. Lorsqu'on retrouve les ouvrages qui lui ont servi de source, on s'aperçoit qu'il a éliminé systématiquement la plupart des données qui allaient à l'encontre de sa thèse. Il dit par exemple que les juifs se suicident toujours moins que les catholiques. Lorsqu'on regarde les statistiques de l'Empire austro-hongrois, on voit que dans les 19 régions où on dispose des données statistiques sur les sujets, dans 14 de ces régions, les taux de suicide des juifs est supérieur au suicide catholique. Et toujours si on suit ce même raisonnement, est-ce que l'on peut dire, Victor Stokowski, par exemple, que on se suicide finalement assez peu quand on est pauvre, parce que ça fait aussi partie des théories de Durkheim? Donc, l'idée que c'est la pauvreté qui pousse les gens au suicide était très répandue à l'époque. C'était une opinion de sens commun. On est pauvre, donc on est malheureux, alors on met un terme à sa vie. Et Durkheim rejetait cette explication, selon lui. Et la vraie raison du suicide, c'était une indigence morale, pas une pauvreté matérielle. Et il rejetait toutes les informations très nombreuses à l'époque qui pouvaient démontrer que les gens très pauvres se suicidaient beaucoup plus que les gens aisés. Donc il avait tort là aussi. Il avait tort à mon avis. Donc ce qui veut dire, Victor Stokowski, finalement que Durkheim menait une sorte de discours moral pour dire bah voilà, en fait le suicide est le symptôme de la maladie de l'Occident. Oui, tout à fait, c'était l'un des symptômes de la maladie. Il voulait diagnostiquer cette maladie, en découvrir les causes et proposer aussi des remèdes pour guérir l'Occident. Ah oui, quels remèdes ? Mais les remèdes, selon lui, étaient multiples, mais il y avait deux remèdes importants. Premièrement, recréer des corporations professionnelles, donc une sorte de syndicat qui devait devenir dans la vie de la société du futur un foyer de la vie morale. Et d'un côté et de l'autre, il prophétisait l'avènement d'une nouvelle religion laïque qui, grâce à des rituels périodiques, des grandes fêtes républicaines par exemple, pourrait aussi rallumer le foyer des énergies collective et morale. Mais alors, Victor Stokowski, c'est quand même un peu étonnant parce que vous expliquez l'importance de Durkheim dans La science sociale comme vision du monde, le livre que vous avez publié aux éditions Gallimard. On voit un homme qui insiste beaucoup sur le fait que la sociologie va s'intéresser aux faits et pas du tout à des idées fumeuses comme en philosophie. Et puis finalement, on découvre quelqu'un qui méprise les faits. Je dirais pas qu'il méprise les faits, mais il a du mal à accepter les faits qui vont à l'encontre de ses convictions, de ses présupposés. Il a déclaré une guerre aux préjugés, aux présupposés, alors qu'il était imbu de présupposés dont il n'arrivait pas à se libérer. Et Durkheim, bien sûr, n'est pas un cas unique dans les domaines des sciences sociales. La plupart des chercheurs ont des présupposés, des idées auxquelles ils croient par un acte de foi. La guerre des classes, la lutte des classes, et la lutte pour la domination symbolique, les structures, l'inconscient, etc. etc. Et on utilise ces instances explicatives pour expliquer tout. C'est le propre des grandes théories des sciences sociales qui suscitent une admiration certaine à la fois chez les chercheurs et chez les grands publics. Et une fois qu'on a accordé une confiance absolue à une explication qui explique tout, on se rend incapable de voir tous les faits qui pourraient et infirmer cette grande explication. Mais alors, est-ce que ça veut dire, finalement, Victor Stokowski, qu'il faut jeter Durkheim aux oubliettes ? Non, je ne pense pas qu'il faille le jeter aux oubliettes. Il est tout à fait possible que le délitement de la cohésion sociale intervient dans notre vie collective. Seulement, je pense qu'il ne faut pas faire de cette explication et une sorte de passe-partout qui explique tout. Cette explication peut s'appliquer à certaines situations, dans certains contextes, mais je pense qu'on ne peut pas tout expliquer en recourant à cette seule instance explicative. Est-ce qu'on peut considérer, Victor Stokowski, qu'il y a des erreurs profitables en sociologie ? Profitables au sens social, parce que certaines erreurs, et qui ne sont jamais reconnues comme telles, permettent de faire de magnifiques carrières. Et en commettant toutes ces erreurs dont nous parlons aujourd'hui, et Émile Durkheim est devenu un grand classique des sciences sociales, un chercheur, un intellectuel généralement vénéré. Bon, mais ça veut quand même dire que si vous avez un étudiant à l'école des hautes études en sciences sociales, Victor Stokowski, qui voudrait appliquer la théorie du suicide de Durkheim à la situation contemporaine, ou même à la situation où Durkheim vivait, eh bien, vous seriez obligé de considérer que celui-ci a tort. Non, pas du tout. Les problèmes, le seul problème pour un chercheur ou un étudiant qui essaye de faire de la recherche, c'est de ne jamais partir à étudier un phénomène qui exerce sa curiosité avec une seule explication et pour laquelle on se met tout de suite à chercher des confirmations. Il faut avoir plusieurs hypothèses alternatives et les confronter tous à la réalité empirique et de choisir celle qui est la meilleure ou la moins mauvaise. Finalement, est-ce que vous n'êtes pas en train de dire, Victor Stokowski, que Durkheim a été une sorte de prophète ? Alors, les prophètes, ils ne sont pas là pour dire des vérités. Ils sont là pour tenir des discours dans lesquels on croit. Et une partie des lecteurs de Durkheim ont cru qu'il existait un mal terrible, l'anomie, l'anomie qui pouvait être responsable des suicides, notamment. Et il y a un ton prophétique chez Durkheim. Il est intéressant parce qu'il est à la fois un chercheur empirique, un prophète, un moralisateur, un philosophe, un historien et un sociologue. Il réunit toutes ces qualités et il propose non seulement une théorie sociologique, mais une véritable vision du monde qui explique tout et qui correspond très bien aux croyances de ses contemporains. Il innove très peu et il reprend des idées qui circulent déjà largement dans sa société. Il en fait une grande, éblouissante synthèse. Ce qui est quand même embêtant parce que, encore une fois, j'insiste là-dessus, il se présentait comme étant un scientifique pur, quasiment comme on pourrait l'être en sciences exactes. Oui, il s'est présenté comme un scientifique, mais ses étudiants, on a des témoignages, voyaient en lui aussi un grand philosophe et reconnaissaient son don prophétique. Et c'était très visible pour ceux qui suivaient ses cours. Et c'était une des raisons de la fascination qu'il exerçait sur ses étudiants. Merci beaucoup Victor Stokowski. La science sociale comme vision du monde, Émile Durkheim et le mirage du salut, c'est un livre important et c'est publié aux éditions Gallimard. Vos critiques, remarques, suggestions de Superfell sur mon mail guillaume.erner@radiofrance.com, guillaume.erner@radiofrance.com. Superfell a été déglingué par Sylvia Favre à la production, gâchée par Adèle Caglar à la technique et complètement ruinée par David Jakubowiez à la réalisation.